Une infinité de parcours se dessine. J'avance. Il y en a qui dorment sur le côté, je ne veux pas les voir. Je dois faire des choix, je n'y arrive pas. Bâti par des années de frustration, les murs sont dans ma tête. Ma chair fait la révolution, il contourne les règles et se faufile dans l'obscurité. Sa place pourrait être enviable, mais elle me fait peur. Casser les briques, ce n'est pas mon genre. Dans le noir, la discrétion est de mise. Il y a quelques pièges à éviter. Un individu vous propose la lumière et c'est foutu. On ne vous retrouve plus. Enfermé dans une prison dorée dans l'humiliant grotesque, vous serez le roi de la pièce. 4 mètres carrés de gloire et puis plus rien. C'est un labyrinthe sans fenêtre, sans air. Les flèches apparaissent ici et là. Elles tracent un chemin, c'est angoissant. Ceux qui suivent des indications ne savent pas où ils vont. Les autres non plus. Cet endroit manque de communication. Pourtant, les haut-parleurs lumineux font leur boulot. Inondés par les bonnes informations, je ne dois pas avoir de problème. Il n'y a pas de problème. Les rats ne se plaignent pas, donc tout va bien. Un infini mon parcours s'étend. Je m'efforce à rester positif. La nuit, je regarde le ciel.